Je ne déraille pas que j'étais malheureux. J'étais, je te le dirais, peureux. Comme un prisonnier qui chante le jour de sa libération. Avant de te reconnaître, Leïla, car tu habitais déjà mon avenir. Je taillais des roseaux dans une jungle de créatures qui se croyaient féroces. Aujourd'hui, le bonheur abonde sur les trottoirs dans ta lune à l'aube en attente. Le soleil exultant sur mes sommets, mes pierres, tes belles vagues. Les gestes les plus triviaux seront les plus mémorables au triomphe de notre amour un jour, au triomphe d'un instant ensemble. Chevalier de la Manche, en ce siècle, ton époux, co-auteur de mon idéalisme, complice de mon esprit ou de ma folie. Te reconnaître, Leïla, car tu habitais déjà mon avenir. Je taillais des roseaux dans une jungle de créatures qui se croyaient féroces. Aujourd'hui, le bonheur abonde sur les trottoirs, dans ta lune à l'aube en attente. Le soleil exultant sur mes sommets, mes pierres, tes belles vagues. Les gestes les plus triviaux seront les plus mémorables au triomphe de notre amour un jour, au triomphe d'un instant ensemble. Chevalier de la Manche, en ce siècle, ton époux, co-auteur de mon idéalisme, complice de mon esprit ou de ma folie.